Légère comme le vent, c'est l'air de rien que les années passent. Légère, pourtant, déjà leur poids m'écrase. Je ne sais pas respirer, j'ai l'impression que je manque d'espace. Les yeux cernés, les traits tirés, chancelant sur mes grandes échasses. Mes songes en garde à vue, sage dans leur cage en fer. J'apprends à faire l'adulte, à voir en face et pas en l'air. Pour intégrer la danse, assimiler la rengaine. Faire partie des gens qui avancent et pas de ceux qui rendent pas grand peine. Chaque jour, chaque heure, elle prend de l'ampleur. La frustration encrasse les cœurs, embrasse les corps et brasse les peurs. Pris dans les écueils, nos rêves en quarantaine, peu à peu nos vies s'effeuillent. Entre parenthèses, les années n'épargnent personne, rien ne se règle. Les douleurs se lèguent, s'amplifient et pèsent. Les fautes d'enfance pensent qu'ils s'enrichissent mes pères, je vois s'enliser mes pères. Chacun reprend sa place après quelques écarts, quelques escarres, quelques escales. Et de brèves escapades, on retourne sur nos rails. On rêve d'escalade, mais le destin nous raille. Nos projets enchantés, qui sans cesse s'enrayent. Comme nos vies en chantier, nos envies enfantées. Dès le berceau hanté, sali, ensanglanté. Me voilà pétrifié, héritier, frité. Je veux être évidé, mais je suis édicté. Ne pouvant éviter les aléas de ce monde. Je suis malléable selon ces agrégats sans nombre. Je ne suis pas, pourtant je pense, telle est mon erreur. Et chacun de mes pas vient sceller mon aigreur. Chaque jour, chaque heure, elle prend d'ampleur. La frustration encrasse les cœurs, embrasse les corps et brasse les peurs. Pris dans les écueils, nos rêves en quarantaine. Peu à peu nos vies s'effeuillent. Entre parenthèses, lourde pression sur l'intestin. Je réalise que mon destin au fil du temps s'est restreint. Chaque palpitation je sens gronder le compte à rebours. Mon estomac se noue, plombé je tombe à genoux. À vrai dire j'ai jamais été sûr de mon itinéraire. J'ai suivi les pas des aînés sur ce pont sécuritaire. La paume imprégnée par le fer, des clés de nouveaux univers. Je compte plus les portes que j'ai ouvertes, ni les courants d'air condamnant autour et derrière. Les chemins cachés par mes œillères, l'issue a l'air précaire. Éflaire le vieux cimetière, perdu dans ma routine. L'errance est ma maîtresse, mon avenir m'attend sous vide. Féroce errance est ma détresse. J'ai peur de rejoindre cette cour et cette foule faite d'automates. Est-ce que je deviendrai sourd, perdrai goût et odorat? Repartir en arrière, est-ce possible ou nécessaire? Suis-je docile ou téméraire, fossile ou éphémère? Chaque jour, chaque heure, elle prend de l'ampleur. La frustration encrasse les cœurs, embrasse les corps et brasse les peurs. Pris dans les écueils, nos rêves en quarantaine. Peu à peu nos vies s'effeuillent. Entre parenthèses, comme toutes ces histoires pour les grands que l'on croyait légendes, pour livre ou écran. Les problèmes d'argent, de couple ou d'amis déchus, les ambitions déçues nous sont enfin échues. On cesse de s'égosiller et d'être contestataire. Les gossiers et les gosiers se ferment dans le contexte à terre. Et l'on finit grossier, adulte et bon prestataire, sans pouvoir négocier tant l'on peine à être.